50 languages. 48. 48. 48. نشاط الإجازة. نشاط العطلة. Les activités de vacances. Les activités de vacances. هل الشاطئ نظيف؟ Est-ce que la plage est propre? Est-ce que la plage est propre? هل السباحة ممكنة هناك؟ Est-ce qu'on peut se baigner là? Est-ce qu'on peut se baigner là? هل السباحة خطيرة هناك؟ Est-ce que c'est dangereux de se baigner là? Est-ce que c'est dangereux de se baigner là? أيمكننا استئجار مظلة؟ Est-ce qu'on peut louer un parasol ici? Est-ce qu'on peut louer un parasol ici? أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟ Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici? Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici? أيمكننا استئجار قارب؟ Est-ce qu'on peut louer un bateau ici? Est-ce qu'on peut louer un bateau ici? أحب ركوب الأمواج. Je voudrais faire du surf. Je voudrais faire du surf. أحب الغطس. Je voudrais faire de la plongée. Je voudrais faire de la plongée. أحب التزلق على الماء. Je voudrais faire du ski nautique. Je voudrais faire du ski nautique. أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟ Est-ce qu'on peut louer une planche de surf? Est-ce qu'on peut louer une planche de surf? أيمكننا استئجار معدات الغوص؟ Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée? Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée? أيمكننا استئجار زحافات الماء؟ Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques? Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques? أنا لست سوى مبتدئ. Je suis seulement un ou une débutant, débutante. Je suis seulement une débutante. إنني معتدل. Je suis moyen ou je suis moyenne. Je suis moyenne. إنني على دراية بذلك. Je m'y connais déjà bien. Je m'y connais déjà bien. أين هو المصعد الهوائي؟ Où est le téléski؟ Où est le téléski؟ هل لديك خشبة التزلج؟ As-tu amené les skis؟ As-tu amené les skis؟ هل لديك أحذية التزلج؟ As-tu amené les chaussures de ski؟ As-tu amené les chaussures de ski؟